Hier soir, sur l'heure du souper, on a appris une nouvelle qui nous touche au lac Saint-Jean. Samuel Girard a été échangé des Prédateurs de Nashville à l'Avalanche du Colorado dans une transaction majeure. Il y a plusieurs joueurs impliqués également, échangé à trois équipes. On en parle avec notre collaborateur Marc Fortier. On devait lui parler mercredi, mais compte tenu que ici au lac Saint-Jean, c'est une grosse nouvelle, on va lui parler. Salut Marc! Salut, Danny. Marc, es-tu surpris? Ben, écoute, quelle est une transaction entre Colorado, Nashville et Ottawa, ça fait longtemps qu'on l'entend parler, là. C'est depuis le début du camp d'entraînement qu'on entend parler qu'il y a des pourparlers sérieux entre les trois équipes pour que ces joueurs-là aboutissent avec ce qui est arrivé hier, mais que Matt Duchene aboutisse à Ottawa également. Mais moi, c'était de voir Samuel Girard dans cette transaction-là. Mettons qu'il n'y a pas personne qui l'a vu venir. Non, c'est sûr et certain que depuis le début du camp d'entraînement, on parlait souvent de transactions qu'on essayait de faire pour Duchene et Touris. Je crois que le fait que Touris ait été blessé en camp d'entraînement début de saison comme ça, là, ça va peut-être retarder l'échange. Mais là, que tout d'un coup, on complète la transaction et puis qu'on implique les Prédateurs de Nashville et Samuel Girard, je crois que ça l'a pris pas mal tout le monde par surprise, dont nous, ici au Québec, là, spécialement avec toute la publicité qui avait été faite alentour de Samuel, du fait qu'il avait fait l'équipe dès cette année avec Nashville, qui a connu des bons matchs, qui avait l'air très, très aimé à Nashville. Alors, c'est sûr et certain que ça surprend. Mais d'un autre côté, dans le monde du hockey, c'est ça, hein? Quand tu vas faire une transaction, tu vas aller chercher un joueur d'importance, il y a un prix à payer. Moi, je vois ça comme à Nashville, il avait besoin d'un avant de premier ordre. Touris avait l'air d'être le joueur recherché à Nashville. Puis ils sont quand même bien nantis là, chez les défenseurs à Nashville. Il y a des très bons joueurs et des joueurs qui ont un peu un style similaire à Samuel Girard. Là. Ouais. Là, on parle de Ellis, de Yossi. Là, après ça, t'as un Subban qui gruge une trentaine de minutes par match sur la glace. Alors, c'est sûr et certain que c'était peut-être une situation qui était plus difficile pour Girard, mais de se retrouver au Colorado, moi, je trouve que c'est merveilleux. Merveilleux pour Sam Girard. Il va se retrouver, tu sais, même s'ils ont quelques problèmes, là, c'est une belle ville de hockey, c'est une bonne organisation quand même qui passe à travers une tempête présentement, mais le fait d'avoir un jeune comme Girard qui va sûrement aider cette concession-là à redevenir une organisation crédible dans le futur. Mais est-ce que le fait que, tu sais, Samuel, il a joué, tu te rappelles, il avait joué quelques matchs, des bons matchs, à part de ça, troisième étoile, première étoile, puis à un moment donné, il a été sorti de l'alignement. Est-ce que ça prouve que Marc Tété, directeur général, une transaction, ça se bâtit pas en 24 heures. Donc ça prouve à quelque part, est-ce que ça a un lien avec le fait qu'on s'est pas grouillé pour faire jouer les 9 matchs à Samuel Girard. Ben, Tu comprends ce je que je veux dirais que dire? non, dans le sens que. Oui, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, Dan. Sauf que lorsque tu veux échanger un joueur, tu veux l'exposer le plus possible, tu veux OK. qu'il joue, que les équipes voient qu'il joue bien, puis que t'as la ouais, ça peut faire augmenter sa valeur. Moi, je pense peut-être que ça. J'ai même pas regardé, là, mais ça a peut-être coïncidé avec le retour de Ellis dans l'alignement. Je sais même pas s'il est revenu, là, mais je pense tout haut, là. Ils sont quand même bien nantis à la défensive, à la défense à Nashville. Il y a peut-être des joueurs blessés qui sont revenus dans l'alignement, ce qui a forcé l'équipe à laisser Sam de côté. Il faut pas oublier que c'est un jeune homme encore, là. Il a pas l'expérience de ces joueurs-là. Alors, tu sais, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais je pense pas qu'il a décidé de pas le faire jouer justement parce qu'il y avait un échange qui s'en venait. Non, je croirais pas. Moi, j'ai été surpris que Colorado obtienne autant pour Matt Duchene. Matt Duchene, c'est pas Sidney Crosby, là. Tu sais, il y a des choix au repêchage. Il y a un premier choix, il y a un deuxième choix, il y a un troisième choix. Tu as Samuel Girard. Tu as également un deux. Puis tu as également Andrew Hammond, ben ça, c'est un suspect. Puis t'as deux autres joueurs également. Tu sais, c'est quand même. Moi, je suis abasourdi que l'Avalanche obtienne autant pour Matt Duchene. Toi, t'es-tu surpris? Oui, honnêtement, je Hein? suis surpris parce que, un, tout le monde avait parlé qu'il voulait quitter Colorado. Ils ont essayé à maintes reprises de l'échanger. Alors, lorsqu'une équipe dit publiquement vouloir se départir d'un joueur, automatiquement la valeur baisse d'un joueur lorsqu'on fait ça. Dans ce cas-là, l'Avalanche a été patient. Chapeau à Joe Sakic et sa gang. Là, ils ont attendu le moment opportun. Puis moi, je me dis tout le temps, Danny, le prix à payer, là, c'est pas grave tant que tu as les moyens de le faire, comprends-tu? Ouais. Je sais pas c'est quoi la banque de choix des Sénateurs, mais c'est sûr et certain que si, admettons, dans les 4 prochaines rondes, l'année prochaine, tu as juste un choix de première ronde, puis tu n'as pas de 2, de 3, de 4, ben peut-être que tu sois plus hésitant à échanger un à un. Mais si dans ta banque de choix, tu te retrouves avec 2 choix de première ronde, 2 de 2, 3 de 4, tu sais que tu es bien anti, là, tu peux te permettre justement de laisser aller des choix importants. Alors, c'est peut-être ce qu'ils ont fait à Ottawa. T'sais, ils se sont dit, il y a un prix à payer, on veut l'avoir du chêne. C'est le prix à payer, on a les moyens de le payer, puis on va le faire. Alors, moi, j'ai de la difficulté à évaluer une transaction qui est trop chère à payer ou pas assez chère à payer. Ça, c'est toujours au bout du chemin là, qu'on peut juger de cette transaction-là. Puis je vais te faire un parallèle. Je me souviens très bien, moi, quand on avait fait l'échange pour aller chercher Nicolas Roy, quand j'étais à Chicoutimi, tout le monde disait c'est bien trop cher à payer pour Roy, c'est trop cher, ça vaut 3 choix de première ronde, ça n'a pas d'allure. Mmh. Mais quand tu regardes à la fin de la carrière, ben, peut-être que les gens disent, tu sais, le prix avait peut-être été honnête par rapport à qu'est-ce que Roy a apporté à Chicoutimi. Et même si, admettons, Yannick avait voulu à Chicoutimi l'échanger l'année passée au fight, il aurait peut-être eu tout ce qu'on avait dû payer pour l'avoir, il aurait peut-être eu pour sacrifier une demi-saison. Alors, tu comprends-tu que je veux amener, c'est que une transaction, est-ce que c'est trop cher à payer, pas assez cher à payer? Dépend toujours. Moi, je me rappelle de l'échange de John Leclerc, Éric Desjardins. À Philadelphie. Oui. Tu sais, les gens, on hésite à échanger Galchenyuk, puis certains qu'on a encore l'histoire du souvenir de John Leclerc. Hein. Mais à quelque part, ça n'a pas été une si mauvaise échange pour les Canadiens, puisque Mark Rickey a produit. Puis John Leclerc ne produisait pas. Oui. Exactement. Oui. Puis il a bien fait à Philadelphie. Moi, là, un échange, là, à la base, là, il faut que ce soit gagnant-gagnant. On souhaite pas une équipe de dire hey, ils ont complètement endormi notre équipe. C'est pas ça le but. Là. Mm. Moi, j'aime ça voir des échanges gagnant-gagnant. L'Ottawa, il avait besoin d'un joueur de centre de premier rang, d'un gars qui est quand même spectaculaire, qui peut apporter de l'offensive en Matt Duchesne. Ils ont payé le prix pour aller chercher. Puis tant mieux si Duchesne a une saison extraordinaire et une carrière extraordinaire à Ottawa. Parfait. Puis on va souhaiter la même chose à Sam Girard à Colorado et à Touris à Nashville. Alors, c'est ça le but. Là. Le but, c'est de des fois, il y a des joueurs qui ne performent pas à la hauteur des attentes avec leur organisation. Puis lorsqu'ils vont ailleurs et ils réussissent à le faire, ben c'est tant mieux pour tout le monde. Ouais, en même temps que je t'écoute, Marc, je suis sur le site de la Ligue nationale et j'ai les réactions de Joe Sakic sur l'échange de d'hier. Joe Sakic qui dit au site de la Ligue nationale, en parlant de Samuel Girard, nous voulons le voir jouer. C'est un joueur prometteur. Il est très habile. Il a beaucoup de talent. Il a une très bonne vision. Nous aimons ce qu'il a offert. Ça veut dire que fort probablement qu'il passe l'année au Colorado. Ben moi, je pense que il y a plus de chances de passer, de rester dans la Ligue nationale en étant avec Colorado que s'il avait été avec Nashville. Oui, c'est peut-être les gens les plus déçus ce matin de cet échange-là sont les gens à Shawinigan avec les Cataractes qui espéraient peut-être le retour de Girard, soit pour le garder avec eux pour la saison, ben pour l'échanger dans une équipe qui espère aux grands honneurs. Alors, ça c'est peut-être une grosse perte pour la Ligue junior majeure. Mais pour si on pense au petit gars et à la carrière du petit gars, c'est sûr et certain qu'en étant à Colorado, il va avoir sûrement de meilleures chances de rester avec l'équipe. J'ai fait une entrevue avec le descripteur des Cataractes il y a 2 semaines sur Samuel Girard. Puis déjà, il y a 2 semaines, on disait on commence à faire notre deuil. Puis tu sais, ça fait quand même, pour les Cataractes, ça fait quand même bonne claque. Là, 2-2, l'an passé, tu as eu Anthony Beauvillier. Cette année, Samuel Girard, qu'on se fie sur lui pour l'échanger. Donc, c'est des bonnes claques. Ouais. On va suivre évidemment Samuel Girard qui doit faire ses débuts en Suède vendredi contre les Sénateurs d'Ottawa, match qui sera présenté à RDS à 14h. Hey, Marc, je veux t'emmener sur la blessure de Carey Price. Moi, ça me fait rire. Hier, je voyais sur les médias sociaux les gens Lindgren, Montoya. Moi, on dit qu'on est. qu'on est bipolaire au Québec. Price, là, le Canadien va aller aussi loin que Carey Price. Tu sais, Montoya et Lindgren, c'est temporaire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Le Canadien, si Carey Price connaît une année de merde, le Canadien va connaître une année de merde. Es-tu d'accord avec moi? 100% d'accord avec toi, Danny. Le Canadien reflète Carey Price. Et justement, peut-être que dû aux très trop bonnes performances de Price dans les années précédentes, ouais. C'est peut-être qu'on a mal évalué le restant de notre équipe. Puis c'est lorsque, comme l'année passée, en début de saison, lorsqu'on voit que Price est ordinaire, le reste de l'équipe est très ordinaire également. Alors, arrêtez-moi ça avec Ingram. Là, peut-être qu'il va donner un bon gardien, je ne le connais pas assez pour ça. Mais ouais, mais Montoya, c'est un revolver, là. Un revolver occasionnel, là. Il faut pas qu'il gote trop souvent. Ouais, ouais, c'est un bon backup. Puis, il faut pas non plus, mais à Montréal, c'est ça. On vit avec les émotions. Et puis, ça va bien, deux victoires comme ça, là. C'est en route vers une 25e Coupe Stanley, mais ils vont en perdre deux la semaine prochaine. Puis, c'est changer tout le monde. Alors, ça fait partie de la game. Ah, effectivement. Donc, c'est très, très, très embêtant. Marc, on se rappelle très, très bientôt. Ça fait plaisir, Danny. Le collaborateur de hockey, Marc Fortier.